Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton seul lieu de grand sauveur, à nous d'accueil. Plus haut, plus loin, plus loin, sur la vie, la vie. Les yeux verront, les yeux verront.